L'argent, l'argent, les racines de tous les maux. Mbongo misolo. Mbongo eloko nini ekoki kokabola bato boye. Mbongo eloko nini ekoki koseme division. Na mbongo ya solo koki kosomba ono solingi mesof. Eza na biloko mosusu mbongo esombaka yango te. Wana esengeli yembe Nzambe apesa. Gloire. Lobby, les campés à Malungue et Monanité.